ainsi qu'Alexandre le Grand. À son entrée à Babylone, fit naître un doux ravissement devant tout l'éclat de son trône. Ainsi votre aspect, mon Seigneur, comblons ces lieux notre bonheur. Ainsi votre aspect, mon Seigneur, comblons ces lieux notre bonheur. Ce début est plein d'éloquence, ce début est plein d'éloquence, mais pour dire ce que j'en pense, dites, dites. Je déclamerai et autrement, oui. Je déclamerai et autrement. Voyons comment, voyons comment. Ainsi qu'Alexandre le Grand, à son entrée à Babylone, Bien. Ainsi votre aspect, mon Seigneur, ciel. Est-ce ainsi que l'on déclame? Est-ce ainsi que l'on déclame? Point de pompe, point d'agrément, trop de naturel sur mon âme. Je déclame bien au. Le Seigneur sera très content, oh, très content. Suivons. C'est mon discours à merveille. Votre grandeur sans pareil ressemble au soleil qui je ne souffle pas. Soufflez-moi donc. Qui dans sa course jusqu'aux glaces de l'ours. Je ne sais pas encore. Vous saurez un peu mieux demain, mais entre nous, dans maintes phrases, ici je vois un peu d'emphase. Un peu d'emphase. Oui, dans maintes phrases, ici je vois un peu d'emphase. De l'emphase? Non, vous n'avez pas de goût. Vous n'avez pas de goût, non du tout. Le soleil qui dans sa course s'étend jusqu'aux glaces de l'ours. Non, vous n'avez pas de goût, non du tout. Non du tout. De l'emphase. Dans ma phrase. Vous n'avez pas de goût. Vous n'avez pas de goût.